Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, René Char, un poète, prend les armes. 1942, l'homme qui marche sur ce sentier de Provence a quelque chose d'un colosse ou d'un fauve. Grand, large, la mâchoire forte, le regard perçant. Chaussé de godillots, un bâton à la main, il ressemble à s'y méprendre aux paysans qu'il rencontre. Comme il semble loin le temps où il faisait les 400 coups à Paris avec ses amis surréalistes. Depuis des mois, le poète René Char, qui est revenu au pays, sillonne la campagne pour repérer les amitiés sûres, mais aussi les futurs terrains d'atterrissage pour les avions alliés, et patiemment pour constituer un solide réseau de résistance. Alors que, comme la plupart des Français, beaucoup d'intellectuels ont choisi l'attentisme, René Char fait partie des rares qui ont compris dès le début de la guerre la vraie nature de l'hitlérisme, et dès l'été 40, que rien n'était à attendre de Pétain, petit maréchal Pétoche comme il l'appelle. En 1942, le poète prend la tête de la résistance du secteur Durance Sud, sous le nom de guerre d'Alexandre. Agir en primitif et prévoir en stratège, écrit-il. Fascinant René Char, poète réputé pour son hermétisme, qui est aussi, on va le voir ce soir, un homme étonnamment concret, de courage et d'action. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Laurent Grelzamer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, journaliste, cofondateur de l'hebdomadaire Le 1. Vous connaissez bien René Char, puisque vous avez écrit sa première biographie. L'homme était-il si secret que l'entreprise même d'écrire sa biographie semblait impossible ? Non, mais il faut un temps pour tout, et puis il faut surtout un grand temps d'enquête. Et j'ai eu cette chance, en écrivant cette biographie, de pouvoir rencontrer les derniers témoins survivants, notamment ceux de la Résistance, le fameux archiduc, comme il le nommait, c'est-à-dire Camille Rayon, et puis tous les jeunes résistants, en tout cas beaucoup, qui l'avaient accompagné et qui malheureusement aujourd'hui sont disparus. René Char est né en 1907, mort en 1988. Il a donc traversé le XXe siècle. Mais quand l'histoire que je vais raconter ce soir commence, nous sommes en décembre 1940, quelques mois plus tôt, donc en juin, Pétain a signé l'armistice, la France est coupée en deux, une zone occupée au nord par les Allemands, au sud une zone administrée par Vichy. Quelle a été sa vie à René Char jusqu'à ce moment-là, en fait ? Alors, il y a plusieurs séquences. Disons, la séquence de la jeunesse, de l'adolescence, très rapidement, c'est le fils du maire de la ville de Provence où il habite, l'île sur la Sorgue, dans le Luberon. Et c'est donc une enfance plus ou moins heureuse, et c'est le fils d'un patricien, d'un notable. Et ce sera pourtant un enfant révolté. Ensuite, très vite, c'est un jeune qui choisit, qui fait deux ou trois choix décisifs. Il choisit d'être poète. Oui, à 11-12 ans, je crois qu'il commence. Oui, et adolescent, il commence à écrire et il commence à publier à la fin d'adolescence. Il décide surtout de ne pas travailler. Il refuse le salariat, comme les surréalistes qu'il va rejoindre. Oui. Et il est reconnu dès ses premiers poèmes par Aragon. Les deux hommes se rencontrent, René Char a 18 ans. Oui, il est un petit peu plus jeune que les grands surréalistes, oui, Breton, Aragon, Éluard. Tout à fait, ce seront ses aînés, et ce seront aussi d'une certaine manière, pendant 5 ou 6 ans, ses tuteurs et des personnes qui vont lui apporter beaucoup intellectuellement, parce qu'il est en réalité presque autodidacte. Il a arrêté ses études très très tôt. C'est un homme qui, dans cette période du début des années 30, va être tout à la fois casse-cou, c'est l'homme des coups de main, et il adore ça, des commandos, castagneur. André Breton décide une sorte de descente punitive dans un café dancing qui vient d'ouvrir à Montparnasse, où toute la bonne société se réunit d'ailleurs pour une soirée un peu privatisée sur le thème de la nuit. Tout le monde est en pyjama de soie, soie blanc, soie noir. Et donc, c'est René Char qui ouvre, si j'ose dire, le feu, qui le premier pénètre dans le dancing, qui brise la porte revolver, et qui d'ailleurs, finalement, ses amis le suivront, mais un peu timidement. Éluard, Yves Tanguy, Elsa Triolet sont à l'extérieur. Aragon et Breton pénètrent avec deux autres à l'intérieur avec René Char, mais René Char va se retrouver très vite tout seul à Cognier et sera blessé assez dangereusement à l'aine d'un coup de couteau. Mais c'est aussi quelqu'un qui, dans ses années 30, va se former intellectuellement et politiquement avec les surréalistes, qui vont le nourrir littéralement. Alors ça va être la philosophie avec Nietzsche, ça va être la politique avec Marx, et ça va le former, et c'est important pour le sujet dont on parle ce soir, parce que ça va le faire mûrir très rapidement et lui permettre, quand la guerre va survenir, de n'être pas du tout décontenancé, déconcerté, mais au contraire, d'être l'homme de la situation. Et en même temps, ce révolutionnaire n'est jamais quelqu'un qui accepte d'être embrigadé. Il va rompre en 1935, il va rompre avec les surréalistes, ne supportant plus les diktats de Breton, le côté un peu « il faut courir en meute ». C'est un indépendant, René Char, et il le sera toute sa vie. C'est un loup. Voilà. Solitaire. Et donc il rompt avec les surréalistes, il va rompre avec les communistes. Laurent Grelzemer, je propose qu'on poursuive cette discussion dans une trentaine de minutes. Tout de suite, René Char, un poète prend les armes, un texte de vous, Laurent Grelzemer, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Juliette Eman. Les imbéciles, tous à la botte, tous vautrés dans la collaboration, tous des rampants, tous vichyssois jusqu'au bout des ongles. Ah Pétain, petite merde, petit maréchal pétoche. Vous savez bien que les flics viendraient perquisitionner tôt ou tard. Ils rêvent depuis si longtemps de se payer la famille Char, hein, René Char, le communiste, le malpensant, le nuisible... Surréalistes, ils disent, avec leur bouche en cul de poule. À leur museau, quand ils ont pénétré avec leur traction avant dans le parc, au petit matin, le grand jeu. Je ne leur pardonnerai pas d'avoir réveillé en sursaut ma pauvre mère, serrant sa robe de chambre à la hâte, et ma Georgette, toutes deux conduites dans le grand salon comme des criminels. Mais quelle muflerie! Et toute ma bibliothèque retournée, les livres secoués, les éditions rares épluchées avec leurs sales pattes. Et leur jouissance, quand ils sont tombés sur mon revolver. Ah, j'ai bien aimé quand ils m'ont demandé mon permis. Mais ils me prennent pour qui? Hein? Ils ont embarqué mon Colt, prise de guerre. Ah, tu parles. Finalement, cette perquisition aura eu du bon. Je sais maintenant qu'ils repasseront dans quelques jours pour m'arrêter. Il est grand temps de se mettre au vert. Georgette, la juive, comme ils disent, est en danger, et moi en sursis. 20 décembre 1940. René Char vient tout juste de récupérer physiquement d'une année terrible. À peine démobilisé, il a rejoint la Provence et la maison familiale des Névons. À l'Isle-sur-Sorgue, il est chez lui. Lui, le fantasque, le géant d'1m92, l'ancien pilier de l'équipe de rugby locale, connaît chacun, chacune par son prénom. Profession, poète. Les rares villageois au courant en sourient. Ce qu'ils retiennent surtout de René Char, c'est son magnétisme, sa manière si particulière de vous serrer longuement la main en vous regardant, et ses amis parisiens qui viennent lui rendre parfois visite. André Breton, Paul Éluard, Nouche, Victor Brauner. Très vite, le préfet, nommé par le régime de Vichy, décide de renforcer la surveillance autour de lui. Mais le dossier est délicat. La famille Char n'est pas n'importe quelle famille. Il faut donc se montrer adroit. Obtenir qu'il quitte définitivement le Vaucluse en lui faisant comprendre que son dossier ne sera pas transmis au département limitrophe. C'est ainsi que René Char fait le choix de partir à Céreste, un village des Basses-Alpes où il a déjà des amis, des familles qui l'ont adopté, comme celle d'Henri Roux, le maire de Céreste. Entrez, René, entrez. Je vous cherchais à la mairie et vous étiez bien installé chez vous. C'est qu'il n'y a plus de mairie, René. Aux informations datent, j'ai été saqué, démis de mes fonctions. Ça vous étonne ? Les ignobles, ils ont osé. À peine l'armistice signé, ils ont pas traîné les merdaillons. Venez vous asseoir, nous serons plus tranquilles pour causer. 5 minutes, Henri, je veux pas vous déranger. Oh, mon étude notariale est bien calme en ce moment. J'ai tout mon temps. Vous avez reçu ma lettre ? Je ne vous le cache pas, j'ai besoin de votre aide. Je compte m'installer au village un bout de temps et je me demande si ces restes sauront rester debout. Il est trop tôt pour juger. La défaite a été un tel coup. Dans l'ensemble, la population est sous le choc. Elle pense à ses fils tombés au front ou prisonniers des Allemands. Pour l'instant, seule la doctoresse et les 3 fonctionnaires de la poste ont donné quelques signes de faiblesse, mais rien de bien sérieux. Et les gendarmes ? C'est la belle surprise. Les Pandores sont très dignes. J'ai personnellement remercié le brigadier-chef Nektou d'avoir été souple et humain avec les familles de réfugiés espagnols que j'avais logés dans la commune. Vous avez toujours su trouver les mots justes. Ces restes ont besoin de vous, mairie ou pas. Mais dites-moi, la maison Taupin, elle est disponible en ce moment ? Elle vous attend. Ses propriétaires sont aux États-Unis, ils me l'ont confié. Vous pouvez en disposer autant de temps que vous le souhaiterez. C'est pas le grand confort, mais c'est un bon point de chute. Vous pourrez vous poser, penser à l'avenir. Et strictement entre nous, sachez que j'ai un double des clés de la mairie en cas d'urgence. Sacré Henri, vous me plaisez toujours autant. Vous savez que j'ai donné sens à la respiration agressive. Je ne laisserai pas les collabos abaisser la France. Avant toute chose, je dois m'assurer de l'honnêteté de Céreste. Et puis, prendre souche. Que Céreste soit mon quartier général, ma tête de pont. Je saurai tisser les fils d'une résistance à toute épreuve. Je me donne 1 an pour contacter et fédérer tous les camarades de Provence. 1 an, pas plus. 1 an pour organiser et souder les valeureux. Ceux qui n'abdiquent pas, qui n'abdiqueront jamais. Mes armes paraissent dérisoires. Une bicyclette et les horaires des cars et des trains du midi. De quoi rendre visite aux camarades d'Aix, de Marseille, de Manosque et de Fort-Calquier. De quoi reprendre notre souffle. Surtout, ne jamais douter. Ne jamais désespérer. Commence pour René Char ce qu'il appelle un temps d'algèbre d'années. Tel un commis voyageur de la Résistance, il circule dans la zone dite libre durant toute l'année 1941. La France est devenue un théâtre d'ombre où la trahison et le mensonge dominent. Le soleil provençal est trompeur. Comme partout, la majorité silencieuse se tait et courbe la tête, les mouchards mouchardent. La Résistance s'emploie pour l'essentiel, au prix de grands dangers, à rédiger et distribuer des tracts clandestins. René Char, lui, choisit les armes. En 1942, il intègre l'armée secrète, mise en place par Jean Moulin, et devient le responsable du secteur Durance Sud. Il règne sur plusieurs départements. Un règne encore fragile. Il devient clandestin sous le nom de guerre d'Alexandre. Dans le même temps, il a transformé ses restes en fortin. À l'évidence, il crée une aimantation peu commune. Les jeunes du village l'admirent, l'entourent, recherchent sa présence. Parmi eux, Georges Louis Roux, le fils de l'ancien maire. Et une jeune femme, Marcel Ponce, qui devient vite sa messagère, son éclaireuse et son amante. Toujours la première, Marcel. Entre. Assieds-toi près de moi, ma renarde. Mon œil, ma fidèle alliée. Tiens, tiens, des compliments. C'est louche, ça. C'est ouvert. Prenez, Marcel. Ça va ? J'espère que je suis pas trop en retard. Le car s'est traîné lamentablement sur la route. Qu'importe, l'ami. Ce qui compte, c'est que nous soyons là. Je veux vous parler des jeunes du village. Presque tous sont de notre côté, mais ça veut tout et rien dire. Je dois savoir sur qui je peux réellement compter le jour où nous passerons à l'action. Nous avons si peu d'armes. Mais nous en aurons, la question n'est pas là. Il faut s'assurer qu'un tel ou une telle partage non seulement nos idées, mais est prêt à aller plus loin. Il faut aussi se demander s'il en est capable psychologiquement. Vous seuls pouvez sonder les uns et les autres discrètement. Il faut discuter avec chacun. Nous saurons vite qui a du coffre, qui en veut. C'est pas difficile, nous nous connaissons tous depuis tout petit. C'est toi qui les sonderas, Marcel. Et tu feras le point chaque semaine avec Georges-Louis. À lui d'imaginer des équipes de 3 solides, équilibrées. Et dis-leur de pas trop traîner au café Madon. Dans sa Provence natale, René Char improvise savamment une guerre de minoritaires, celle des Indiens contre les cow-boys, en se souhaitant un meilleur destin. Il invente une guerre prosaïque, soigneuse, prudente. Une guérilla d'un chef de bande qui tient à la vie de ses hommes. Il leur répète sans cesse de rester discrets, de ne surtout pas circuler armés. Il s'organise, commence à acheter du bétail pour occuper et nourrir ceux qui le rejoignent. Il rétribue des hommes de confiance sur ses propres fonds. Comme un chasseur, il attend à l'affût. Coup sur coup, l'ennemi opère deux changements majeurs. D'abord, en novembre 1942, la Wehrmacht envahit la zone libre en représailles contre le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord. Ce ne sont plus les Italiens de Mussolini qui patrouillent en Provence, mais les nazis. Ensuite, Berlin ordonne à Vichy, début 1943, de réquisitionner tous les jeunes Français pour venir travailler en Allemagne. C'est le service du travail obligatoire. Ce STO est une aubaine incroyable. Nous n'allons pas la laisser passer. Il faut gagner tous les requis à notre cause. Les détourner de Vichy, de Pétoche et du Petit Führer. En avez-vous les moyens, Char? Que ferez-vous de ces jeunes? Des dizaines, des centaines de jeunes sur les bras. C'est pas rien. Cher Henri, c'est à présent que les bergeries que nous contrôlons et votre ferme du Bastidon que j'aime tant vont vraiment servir. Dans un premier temps, nous les logerons là-haut. Je vais demander à Saint-Germain et à Martin de les prendre en main. Nous les formerons à la discipline, à l'étude et à l'élevage. Avec le troupeau de 100 moutons que nous venons d'acheter, nous aurons de quoi les nourrir. Je vais vendre un mas et un pré afin de pourvoir aux besoins les plus urgents. Comment tu vois les choses, Marcel ? Les jeunes ne partiront pas. Ils sont solides. Leur choix est fait depuis des mois. Nous pouvons compter sur eux. Seul Pierrot m'inquiète. Pierrot ? Pierre Plaindou. Serait-il trop tendre, celui-là ? C'est un peu ça. Il ne veut pas se mettre hors la loi, m'a-t-il dit. C'est un bon gars, mais un timide. Il se voit déjà recherché par toutes les polices de France. Il faut revenir à la charge. Lui dire que le STO est une déportation au profit des nazis. Ses restes doivent rester debout. Ses restes doivent former un bloc. Je me chargerai de leur obtenir des papiers. Certains pourront bénéficier de certificats de travail de la Syrie de Basilie. Au fait, René, je me suis laissé dire que vous êtes derrière l'attentat contre Jean Giono. Cela se murmure et cela m'inquiète. Laissez-moi rire, Henri. C'était une bombinette. Il n'y a pas eu une égratignure, aucun bobo. Giono, tout Giono soit-il, monsieur le grand écrivain, monsieur le pétochard, hein, qui fait dans son froc, qui pactise avec Vichy, méritait bien cette leçon. Les pacifistes en temps de guerre sont des traîtres. J'aimais bien cet animal, jadis. Il m'a beaucoup déçu. Pas de quoi en faire une Gionisse. Il est temps de changer de braquet. Il nous faut du plastique, des instructeurs, des radios. Je vais accepter la proposition de Londres et l'offre de son officier, Camille Rayon. Il me plaît, celui-là. Un oiseau qui vole librement avec impudence, un vorace, un guerrier. Tiens, je l'appellerai Archiduc. Avec lui, la livraison d'armes et d'argent est assurée en quantité. Il a les contacts, l'aval de Gaulle, que demander de plus ? Le risque, bien sûr, c'est de me retrouver englué dans un machin pesant avec réunions foireuses et compagnie. Civil ahuri et officier d'opérette. Bon, je leur dirai merde. Je l'ai prévenu, mon jeune archiduc. Je ne suis pas facile. Je vais accepter son marché. Nous gérerons ensemble la région 2 et ses 7 départements, de la Drôme aux Alpes-Maritimes en passant par le Var. Et j'aurai la haute main sur les basses Alpes. Adieu la poésie, pauvre Char. Te voilà complètement embarqué. Responsable du réseau Action. Courant 1943, René Char, alias Alexandre, est nommé capitaine au sein de l'armée secrète. Tout s'accélère. Ses équipes passent de quelques dizaines à quelques centaines de partisans. Char dicte ses conditions. « Chez moi, on ne se tourne pas les pouces. » J'organise pas des camps de vacances pour Boy Scouts, ici, on prépare la libération. Une effervescence sourde s'empare de chacun. Le principal mot d'ordre consiste à réaliser un repérage systématique des lieux isolés pouvant servir de pistes d'atterrissage et de parachutage. 200 terrains sont identifiés. Après inspection, René Char en sélectionne 80, dont les coordonnées sont envoyées à Londres, qui en retient in fine une dizaine. À chaque fois, il faut s'assurer que le paysan propriétaire est sûr. Les terrains, loin des villes et des bourgs, sont souvent de beaux prés, Mais il faut les aménager, aplanir ici, remblayer là. Ils sont baptisés Spitfire, Noctambule, Vignoble, Abatteur, Touriste, selon l'inspiration du moment. Et les parachutages s'intensifient à partir de la fin 1943. Épaulé de son adjoint Saint-Germain, un étudiant parisien, de cadres comme Junot, Dauphin, Lazare et de ses principaux hommes de main, Pioche, Arthur Le Foll, il faut à chaque fois mobiliser une dizaine d'hommes et de femmes pour une nuit blanche. Mais même avec la meilleure préparation, cela peut tourner à la catastrophe. Salut à vous. Je vous ai déjà dit que je ne veux voir aucun linge traîner dehors, aucun signe de vie. La première règle que vous devez respecter pour votre sécurité, c'est bien celle-là. Soyez invisible. Invisible. Bon, faites pas ces têtes de coupable. Je dois envoyer un message à Londres. Roger n'est pas là? Il est en chemin, il arrive. Il faudra être très court. La surveillance est terriblement renforcée ce soir. Qu'est-ce que je disais? C'est une nuit de mauvaise fortune. On n'y voit rien alors que tout le pays flambe. Marcel, crois-tu que l'incendie soit visible de Fort Calquier? Non, heureusement. Seul le village de Viens, en contrebas, s'est éclairé comme sous la loupe d'un projecteur. Que s'est-il passé? Ah, petite renarde, il s'est passé le contraire de ce que j'escomptais. Au passage de l'avion, tout allait bien. Il nous a repérés tout de suite, s'est positionné dans l'axe des feux de signalement et a largué sa cargaison. Et là, les courroies du parachute ont cédé ou bien le conteneur s'est ouvert de lui-même en plein vol, je sais pas. Tout le contenu s'est fracassé au sol. Malchance, c'est tombé sur un stock de dynamite. Lorsqu'il a touché terre, tout a explosé à la seconde. Des flammes de 20 mètres ont jailli. On a cru que toute la Provence allait se mettre aux fenêtres pour voir le spectacle. Comment un tel brasier peut-il ne pas se voir? Dès la réception de votre message, j'ai demandé à toutes les équipes de se replier et de faire le guet sur la départementale. Les gendarmes m'assurent qu'il n'y a eu aucune alerte du côté des Boches. Et Arthur et les autres camionneurs ont remisé les véhicules de transport. Tu féliciteras toute l'équipe pour son sang-froid. Mais quelle idée aussi d'appeler cette opération la bibliothèque est en feu. Je le maintiens, c'est un beau nom de code. Bon, n'épiloguons pas. Saint-Germain, on reprend demain les opérations. Mobilise l'équipe du Bastidon et préviens le brigadier-chef Nectou. Nos amis ont entendu notre message sur les ondes de la BBC. Darwin fera la mise en scène. Espérons qu'elle soit bonne. La France des cavernes se réveille, mon vieux. À nous les armes et le plastique. À ce propos, on a comme un problème à Apt. On me signale que les stocks d'explosifs planqués sous les bâches commencent à sentir l'amande amère. L'odeur va très vite alerter les Boches. Il va falloir les déplacer. Pas question. Fais uriner les hommes dessus, passe la consigne. Hein? Mais crois-moi, la puanteur sera telle que personne n'ira vérifier quoi que ce soit en dessous. Dès qu'une guerre commence, une vie ne vaut plus rien. On la boit comme un verre d'eau. Peut-être est-ce cela l'enfer. Cette lente pavane dans les ténèbres, en se méfiant de tous. Les parachutages un soir, les convoyages d'armes le lendemain, le recrutement un jour, les opérations punitives au crépuscule. Les traîtres doivent payer. Ce soir, nous ferons notre devoir. Et revenus à ses restes, nous laverons nos armes comme de bons ouvriers après la besogne abattue. Sors. Fais pas d'histoire. On va marcher quelques pas. Devine pourquoi on est passé à la ferme te prendre? Non. Parce que tu as donné le maquis de Banon. C'est faux, je vous jure. Tu peux me redire que tu n'as pas donné les informations qui ont permis au SS de liquider le maquis? Pourquoi tu as parlé au chef de la milice? Il m'a menti. Il s'est fait passer pour un résistant, je le jure. Pardon. Pardon. Pardon, j'imaginais pas. 13 jeunes gars sont morts. 23 prisonniers. Pitié, je voulais pas. Pense à eux. Je veux n'oublier jamais que l'on m'a contraint à devenir un monstre de justice et d'intolérance. Un simplificateur claquemuré. Un personnage arctique qui se désintéresse du sort de quiconque, ne se ligue pas avec lui pour abattre les chiens de l'enfer. Le visage de la guerre change. Les Alliés débarquent en Sicile et remontent la botte italienne à partir de janvier 1944. La résistance attend fébrilement le débarquement allié sur les plages de la Manche ou de l'Atlantique. Dans le quart sud-est de la France, René Char et Archiduc se sentent prêts. Leurs stocks d'armes sont fournis, soigneusement répartis entre 21 dépôts. Les maquisards sont désormais plus de 2000 sous l'autorité de Char. Que la poésie semble loin. Dans un coin de son QG de Serrest, traîne une caisse pleine d'exemplaires de son recueil d'avant-guerre, le marteau 100 mètres. Un jour, un des jeunes résistants commence à lire quelques lignes et demande à la cantonade « Quel est le con qui a pu écrire ça ?» Char tourne la tête, sourire ironique aux lèvres, « Te fatigue pas, va, le con, c'est moi. » La poésie est loin, mais il note de temps à autre une réflexion en forme de maxime, un court récit. Et derrière ces mots, c'est l'armée des ombres en proie à la traque des nazis qui se dresse, rebelle et indomptée. Ce chef de bande sait donner le change. Il s'habille comme un paysan, sait marchander les vivres, porte de gros godillots et marche en s'appuyant sur une haute perche en bois. Il n'a pas encore 40 ans, mais porte les années de guerre sur lui. Plus la libération approche, plus les risques augmentent. Les Allemands recherchent activement le capitaine Alexandre. Qui est-il ? Où vit-il ? La Gestapo peut-elle imaginer qu'il vit dans un paisible village des Basses-Alpes ? Non, et c'est un miracle. Char n'est toujours pas identifié. Avec son immense carcasse, c'est un tour de force. Mais le 22 juin 1944... Les chacals. Ils ont arrêté Roger Bernard sous nos yeux. Nous étions à 100 mètres à peine, cachés derrière des buissons. Nous étions armés, le doigt sur la gâchette. Un mot. J'avais un mot à dire pour autoriser le tir. Et tuer net l'escouade de SS. D'un signe de tête, j'ai ordonné que les armes se taisent. Piocher Arthur Le Foll me suppliait du regard. Que je donne l'ordre de la fusillade. Tu pouvais pas savoir qui le tuerait. Ça pouvait être une simple vérification d'identité. Non, la renarde. Le pauvre s'était habillé pour mourir. Il avait serré son colt dans son sac à dos. Il était tellement fier de son arme. Je lui avais dit 100 fois qu'une arme est seulement bonne à vous désigner comme coupable, sauf à tirer le premier. Je me reprocherai toujours sa mort. J'ai eu beau lui refuser d'être dans nos commandos et l'avoir affecté aux transmissions radio, ça a été plus fort que lui. Raconte-moi ce que tu as vu après. Dès que j'ai eu ton message, j'ai filé. J'ai suivi à vélo leur convoi. Bon, ils n'ont pas été bien loin, ils ont roulé jusqu'au moulin de Calavon avant l'embranchement de la Nationale. Et ils se sont arrêtés. Ils l'ont fait descendre. J'étais trop loin pour voir quoi que ce soit, mais un paysan les a vus et il m'a raconté. Roger se tenait très droit, très léger, silencieux. Ils lui ont tiré une balle dans la nuque, les salauds. J'ai trouvé son corps au pied d'un mûrier, son beau visage coupé par un filet de sang. La mort est un sommeil entier et pur. C'est pas une consolation, c'est un constat. Tu sais, je l'aimais comme un fils. J'ai l'impression que ses parents me l'avaient confié. Je me rappelle son dernier poème, il me l'avait donné à lire l'autre jour. Adieu, blancheur coupante de l'été. Adieu, coton du peuplier, bave des tamaris, flamme de sarriette, la cigale a battu le blé. Il y a du prodige dans ces mots, non ? Je vais vivre, je vis sur l'éternelle joie vivante de mourir. C'est fou. C'est lui, c'est son portrait. Comme s'il avait pressenti son assassinat. Les poètes sont des voyants. Il n'était pas né pour la guerre, mais pour la beauté. C'était mon compagnon des forêts extraordinaires. Je dois aller voir ses parents et sa femme. Je dois leur parler. Veux-tu que je t'accompagne ? Non, ma belle, j'irai seul. Est-ce qu'il faut prendre d'autres mesures ? Dis aux hommes que si tout à l'heure j'ai pas donné le signal du tir, c'est parce que Serrest doit être épargné à tout prix. Nous avons évité l'intrusion et la destruction de tout et de tous, mais les SS reviendront. Je ne leur donne pas une semaine avant qu'ils ne viennent cerner le village. Je ne veux plus voir aucun des nôtres là-bas, aucun, sous aucun prétexte. Je resterai seul avec Marcel. Je les attendrai. Depuis le 6 juin 1944, les Alliés perforent lentement et sûrement les forces de la Wehrmacht. De Londres, le commandement suprême se félicite de marquer des points. Il revient aux forces méditerranéennes, mobilisées à Alger, de préparer le débarquement en Provence. Le général Cochet demande à De Gaulle un homme capable de définir les objectifs prioritaires, de déterminer avec lui la meilleure tactique. Archiduc conseille le capitaine Alexandre. René Char sera, dit-il, l'homme de la situation. De Gaulle donne son aval. Il l'attend à Alger. Mais pour l'instant, en Provence, René Char est cerné. Ils sont là. La Renarde est venue me prévenir à 5 heures du matin. Deux compagnies de SS et des miliciens ceinture céreste. Me voici minuscule esquif sur une onde déchaînée. Les murs d'une maison abandonnée me servent d'armure. De l'embrasure d'un fenestron, je vois le village encore endormi. Ironie du sort. Nous les serrons à la gorge en Normandie et me voici piégé au moment où Archiduc insiste pour m'envoyer à Alger. Mais déserter ces restes me paraissait impossible. Est-ce parce que j'aime trop l'odeur de la poudre et l'honneur? Est-ce parce que je ne crains pas la mort? Ou parce que je sais intimement depuis le début que je survivrai à ces ténèbres? Oui, j'ai cette forme de prescience. Au moment précis où la mort rôde, je la défie sereinement, sachant qu'elle passera son chemin. Qui me croira? Qui peut comprendre cette invulnérabilité qui m'escorte? J'entends au loin les aboiements des SS. La milice n'est pas en reste, qui se croit obligée de frapper à coups de crosse contre les volets des maisons. Toute la population est contrainte de se réunir sur la place centrale. J'entends aussi les cris d'une patrouille qui s'est abattue sur un jeune braconnier du village. Il ne dit rien. Mais combien de temps tiendra-t-il sous les coups? Ils veulent mon scalp. Ils veulent Alexandre. Tiens bon, valeureux braconnier. Serre les dents. Céreste ne tombera pas encore aujourd'hui. Céreste ne peut pas tomber. Mes camarades, la victoire approche. Mais je vous en conjure, restez aux aguets. Si nous sommes réunis ce soir dans cet appartement, c'est que plus aucune cache n'est vraiment sûre. Nous voilà à deux doigts d'écraser l'ennemi et traquer comme jamais. Je viens d'apprendre la mort d'Émile Cavagny. Il a été pris dans un guet-apens, j'en sais pas plus. Cavagny. Le premier à m'avoir épaulé quand j'ai été chassé de Ville-sur-Sorgue. Adieu, franc-tireur, frère courage, nous te vengerons. Sois gentil, Arthur, serre-nous un verre. Un alcool fort qu'on se remette. Il faut absolument s'organiser ce soir pour les jours à venir. Confirmez-vous votre départ pour Alger? Oui, c'est malheureusement nécessaire. En mon absence, Saint-Germain me remplacera et veillera tout particulièrement à la sécurité générale. Archiduc a demandé à Serge de gérer les parachutages. Vous serez Henri, le gardien de ces restes avec Marcel. Épargnez au village toute vilainie. Je reçois encore beaucoup de demandes de livraison d'armes. On en a déjà redistribué beaucoup, il me semble. Est-ce qu'on continue? Resserre-moi, Arthur. Le stockage n'a plus d'utilité. Distribue, Saint-Germain. Non, merci, non. Il faut seulement répartir équitablement entre les différents groupes. Ces armes ne sont pas les nôtres, ce sont celles de la résistance. Les hommes de combat et de libération se plaignent d'avoir été lésés par rapport aux francs-tireurs. Je ne veux pas de querelle. Que chacun reçoive ce qu'il demande. Pareil pour les explosifs. Saint-Germain, veille à noter les sommes d'argent que tu donnes et le nombre d'armes. J'aimerais mieux que les alliés débarquent ici plutôt que de continuer à recevoir des armes. Patience. Dans quelques semaines, quelques mois, nous serons libres. Il faut me croire. La nuit s'effacera comme elle est venue, brutalement. L'ennemi sera défait. En attendant, je vous demande à tous d'être vigilants. Écoutez, j'ai écrit ces quelques lignes que vous ferez circuler. L'ennemi vous redoute. Vous ne devez pas le décevoir. Ne commettez surtout pas l'imprudence de vous offrir à lui. Nous devons rester vivants les derniers et le battre jusqu'au dernier. Réfractaire, rien ne m'inquiète. J'ai confiance en vous. Saint-Germain, prends mon texte. Adieu, camarade. Je dois filer. À bientôt. Suis-moi, la renarde. Allons faire quelques pas. Trois nuits de suite, le capitaine Alexandre rejoint le terrain d'atterrissage Spitfire et attend que se pose un Lysander, cet avion léger qui se faufile de nuit entre les nuages et se laisse porter par les vents. Mais la nuit opaque ne permet pas l'atterrissage. René Char, l'impatient, doit patienter. Il n'a pris qu'un seul livre dans sa vareuse, Les Pensées de Pascal. Durant ces nuits terribles, la foudre s'abat sur les réseaux de la résistance. Ses meilleurs amis tombent sous les balles ou sont torturés. Dénonciations, guet-apens se succèdent. Roger Chaudon, surnommé l'ami des blés, Louis-Martin Bray, François Cusin, professeur de philosophie, sont suppliciés, leur corps abandonné. Marcel, la renarde, et sa fille Mireille échappent de peu à plusieurs pièges. Enfin, Char parvient à s'envoler. À Alger, De Gaulle le reçoit et il déplaît au capitaine Alexandre sur le champ. Incompatibilité d'humeur. Cet homme ne sait pas transpirer, lancera Char en sortant de l'entrevue avec un mélange de colère et de mauvaise foi. Le contact passe mieux avec les Américains. Il prépare activement le débarquement avec eux. Le 15 août 1944, il débarque avec leurs troupes et la première armée française du général Delattre de Tassigny. C'est la remontée victorieuse le long de la vallée du Rhône, puis de la vallée de la Durance. Cérès est libéré le 20 août. Apte le 22 et Avignon le 24. La Provence pavoise et commence à régler ses comptes. René Char reçoit la médaille de la Résistance et la Légion militaire, mais il n'est pas du genre à porter ses décorations. Surtout, la victoire et la liesse ne peuvent dissiper l'amertume des pertes subies. Ils veulent maintenant me bombarder, maire de l'Isle-sur-Sorgue. Et pourquoi pas ? Mais pourquoi pas député, ministre ? Ça ne m'intéresse pas. Je suis l'homme des temps périlleux, pas celui des jours paisibles. La guerre est finie, je veux retourner à la poésie. Mais capitaine, vous allez tout de même accepter d'être juge de la Cour de justice ? Vous ne pouvez pas refuser, tous les camarades comptent sur vous. Non, Saint-Germain, je ne siégerai pas. Ne crois-tu pas que j'ai assez jugé ? J'ai assez tué pour ma part. Je ne ferai pas le juge pour la galerie. Cette justice-là ne m'intéresse pas. Elle sent la curée et je n'en serai pas. C'est pour cette raison, ma renarde, que j'ai apprécié ton geste quand tu as refusé que l'on tonde les petites postières à ses restes. Tu as su te hausser au-dessus de la vengeance. Oui, il m'a suffi de dire qu'il fallait, avant d'agir, demander ton avis. Ça a calmé tout le monde. J'aime l'idée que ses restes soient restés debout jusqu'à la victoire. Au bout du compte, le village n'a pas connu de vrais collabos. L'air est resté respirable. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Mais, tu restes mon adjoint pendant un an, mon fidèle Saint-Germain. Tu es réquisitionné. Tu croyais pouvoir déjà partir en vacances, c'est fichu. J'ai promis de procéder à la liquidation de tous nos réseaux. Notre devoir est de traiter un par un les dossiers de nos 2150 hommes. On doit s'occuper des familles de nos morts. Il y en a eu, d'après ce que j'ai compté, plus de 160. Et puis, il faut s'informer du sort de nos 48 déportés. Le bilan est lourd. Je veux que les survivants retrouvent une place, un travail. Donnons-nous un an pour réussir. La guerre est bien finie, à ce que je comprends. Je sens comme une pointe de regret. Nous sommes de la même étoffe, la renarde. Le péril nous stimule. Mais pour moi, le sort en est jeté. Je ferme la porte sur les années noires. Je suis partisan, après l'incendie et ses ravages, d'effacer les traces et de murer le labyrinthe. On ne prolonge pas un climat exceptionnel. Nous allons vivre. René Char, un poète prend les armes de Laurent Grazamer, avec René Char, Laurent Dolce, Marcel Pons, Garance Clavel, Henri Roux, Aurélien Ozinski, Georges-Louis Roux, Samuel Charles, Pierre Zingerman alias Saint-Germain, Bastien Bouillon, Le Mouchard, Benjamin Meneghini. Bruitage Bertrand Amiel, enregistrement, montage et mixage Éric Bouesset et Emmanuel Armin, assistante à la réalisation Sophie Pierre, réalisation Juliette Eman. Dans quelques minutes, on poursuit la discussion sur René Char avec mon invité Laurent Grazamer. L'histoire sur France Inter. You took my sadness out of context at the Mariner's apartment complex. I ain't no candle in the wind. I'm the boy, the lightning, the thunder, the kind of girl who's gonna make you wonder who you are and who you've been. Who I've been is with you on these beaches. Your Venice bitch, your diehard, your weakness. Maybe I could save you from your sins. So, kiss the sky and whisper to Jesus. My, my, my, you found this, you need this. Take a deep breath, baby, let me in. You lose your way, just take my. To me again. Don't look too far, right where you are. That's where I am. I'm your man. I'm your man. They mistook my kindness for weakness. I fucked up, I know that, but Jesus, can a girl just do the best she can? Catch a wave and take in the sweetness. Think about it, the darkness, the deepness, all the things that make me who I am. And who I am is a big time believer that people can change, that you don't have to leave her when everyone's talking. You can make a stand. Feel your resistance. You can see my heart burning in the distance. Baby, baby, baby, I'm your man. Yeah. You lose your way, just take my hand. You're lost at sea, then I'll command your boat to me again. Lana Del Rey, Mariner's Apartment Complex sur France Inter, autant n'importe l'histoire, réalisé par Juliette Gou, assisté d'Emmanuel Fournier, musique choisie par Thierry Dupin, à la technique Loïc Frapsos. Laurent Grelzhammer, on a découvert donc le poète René Char, un véritable chef de guerre. Il y a eu d'autres intellectuels, écrivains, poètes comme Robert Desnos qui se sont engagés dans la résistance, mais à ce tel niveau de responsabilité, je ne suis pas sûre qu'il y en ait d'autres. Alors en fait, parmi les poètes, je crois qu'il n'y en a qu'un, c'est lui, mais il y a eu aussi Jean Prévost qui est l'autre grande figure, parce qu'il faut bien distinguer René Char et Jean Prévost sont des écrivains, des auteurs, des poètes qui ont pris les armes et qui ont participé au combat. Dans la fiction qu'on vient d'entendre, ça peut paraître assez violent, mais c'est un temps violent. Et René Char fait partie de ces gens, il se désignait lui-même comme un poète carnassier. Et avant-guerre, il avait dit, dans une lettre à sa femme, il avait dit « il faut être cruel ». Et je pense que René Char est le seul poète à avoir pris les armes à la main et à avoir commandé, assumé des responsabilités considérables, parce que dans la fiction, on a limité à ses restes volontairement, mais son champ d'action est beaucoup plus large. Les autres poètes, les grandes figures, on cite souvent évidemment Aragon ou Éluard, qui ont été Desnos, qui est mort en déportation. Ils ont été résistants, mais disons que c'est ce qu'on appelle des résistants intellectuels. Ils ont résisté par le verbe, par les mots, ce qui est déjà considérable. Ils ont pris des risques, ils étaient dans la clandestinité, mais ils n'ont pas participé au combat. C'est ce qui fait, je crois, la très grande différence et d'une certaine manière, toute la légende qui entoure René Char. Cet homme qui est un puissant poète, je veux dire, dont la poésie est vraiment quelque chose de très, très tellurique, qui vous emporte, a su, un moment, pendant la guerre, pendant plusieurs années, renoncer à publier, renoncer à écrire, parce qu'il considérait qu'en ce temps de guerre, le silence devait prévaloir. Et il est sévère pour les écrivains qui ne font pas le même choix que lui. Par exemple, Jean Giono, on l'a entendu, il met une bombinette sous sa voiture. Oui, un peu plus qu'une bombinette, puisque c'était contre sa maison et la porte a volé en éclats. Enfin bref, il y a eu des dégâts. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés ni de morts. Mais Giono, à l'époque, immense écrivain, mais à l'époque, dans le contexte de la Provence, c'est un pacifiste, c'est quelqu'un qui s'accommode de la situation, accommodé avec des guillemets, hein. C'est les historiens d'aujourd'hui qui considèrent qu'en gros la population française s'est accommodée, et il reproche, précisément parce que Jean Giono est un immense écrivain, il lui reproche de s'accommoder. Voilà. Donc on découvre un René Char stratège, avec un énorme sens de l'organisation, du commandement, et on voit aussi un homme avec un charisme étonnant à l'égard des jeunes qui refusent le STO et qui viennent combattre dans les rangs de la résistance. Alors, il y a deux aspects en réalité. C'est un homme qui sait être terriblement concret. On l'a cité en début de conversation. La phrase, je pense, de lui qui le caractérise le mieux, c'est « agir en primitif ». On a vu qu'il savait agir en primitif, prévoir en stratège. C'est pour cela qu'on l'appelle d'ailleurs auprès des alliés pour réfléchir au plan d'intervention avec l'armée américaine en Provence. Donc il a ces deux aspects terriblement concrets, terriblement instinctifs, et en même temps une réflexion, une intelligence et une vision d'ensemble. Et puis il y a ce qui lui est propre, c'est-à-dire que toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et qui l'ont côtoyé racontent ce magnétisme du personnage, cette force tellurique qu'il a en lui et qui se dégage et qui fait de lui effectivement tout à la fois le grand poète et puis ce chef de guerre incroyable. Vous avez rencontré, donc pour écrire votre livre, votre biographie, vous avez rencontré des gens qui étaient des jeunes à l'époque et qui ont combattu avec lui. Oui, et ils avaient encore, mon enquête remonte au début des années 2000, ils avaient encore les larmes aux yeux. Ils avaient conservé sur eux, dans leur portefeuille, et la photo de René Char, et des lettres et des mots de René Char. Et notamment, je me rappelle de François Delphini, qui avait sur lui la lettre que René Char avait adressée à ses parents lorsqu'il était parti en Algérie pour organiser justement le retour des forces américaines et françaises pour la libération. René Char va rester longtemps hanté par les souvenirs de la résistance, des souvenirs parfois durs. Il publie en 1945 Feuillets d'hypnose, c'est un recueil de textes parfois assez courts, écrits pendant cette période. Je vous propose d'écouter la voix de René Char lisant justement l'introduction de ce recueil. Ces notes n'empruntent rien à l'amour de soi, à la nouvelle, à la maxime ou au roman. Un feu d'herbe sèche eût tout aussi bien été leur éditeur. La vue du sang supplicié en a fait une fois perdre le fil, a réduit à néant leur importance. Elles furent écrites dans la tension, la colère, la peur, l'émulation, le dégoût, la ruse, le recueillement furtif, l'illusion de l'avenir, l'amitié, l'amour. C'est dire combien elles sont affectées par l'événement. Ensuite, plus souvent survolées que relues. Je songe à cette armée de fuyards, aux appétits de dictature, que reverront peut-être au pouvoir dans cet oublieux pays ceux qui survivront à ce temps d'algèbre damnée. La voix donc de René Char pour l'introduction des feuillets d'hypnose. Rapidement, Laurent Grelzamer, donc là on en sent bien toute cette tension qui a pu être vécue pendant la période de la résistance. Il parle aussi de l'amour, c'est une chose très importante pour René Char, les femmes. Oui, de fait, et on voit l'importance, par exemple, durant la guerre, de cette renarde qu'il appelle dans Feuillet d'hypnose Bora, qui est une jeune femme de Marcel Ponce, Marcel Sidoine, du village avec lequel il aura une relation très forte. Mais durant cette guerre, il aura aussi une passion très forte avec Greta Knudsen, une jeune Suédoise, et puis sa femme, Georgette Goldstein, oui. À laquelle il restera fidèle, qu'il soutiendra précisément parce qu'en plus, elle est une potentielle victime puisqu'elle est juive. Donc comme il l'avait pressenti, René Char va survivre à la guerre et il va devenir un poète célèbre en 1945. Donc ce sera les grandes années, son amitié avec Albert Camus, Nicolas de Staël. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas le temps de faire ici. Albert Camus qui le compare à Rimbaud. Merci beaucoup Laurent Grelzamer, vous êtes l'auteur, je le rappelle, de L'éclair au front, la vie de René Char, publié d'abord chez Fayard et réédité en poche chez Perrin. Et plus récemment, vous avez écrit La vraie vie du capitaine Dreyfus, publié chez Talendier. Et je signale les œuvres complètes quand même de René Char qui sont disponibles dans la collection de la Pléiade et en poche bien sûr également chez Gallimard. Autant n'emporte l'histoire est terminé pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons aux États-Unis au temps de la ségrégation sur un ring avec Jack Johnson, le boxeur noir, qui en 1910, dans le Nevada, eut l'audace de battre le champion blanc des poids lourds, Jack Jeffries, sous les cris de la foule « Tuez le nègre ». Jack Johnson, le boxeur noir qui divisa l'Amérique, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Mais juste après le flash, bien sûr, ne manquez pas Édouard Baird, je vois déjà scintiller des lumières dans la nuit. Excellente soirée sur France Inter.